As-tu compris les signes, compris l'essentiel? Fils de putain, ne me dis pas que je descends du singe. Je descends d'une femme simple, et puis d'un homme sage. Ce qui implique que dans mes clips, y'a pas de scène obscène. J'suis dans les bourbiers, sombre, grosse tête, balafré les enfants, terrible, cocaïne d'emblée. Mohamed Kadhafi, François Thierry, Sofiane Hambly. J'rentre pas à Amri, je vais m'occuper des mèches et kill. Les jaloux me disent, mashallah, se demandent si j'ai reçu mon chéquier. J'suis qu'un pion sur l'échiquier, monte, compte, tombe, échec et mat. J'partage mon corps avec Ezekiel, Tony, Poli, Ghost et Vegeta. Dans le rap j'avais des idées, j'peux te réciter la fin du monde HLM résident. Rebeu le contact et vérifié, j'suis sur PGP comme le fils de pute de président. On s'est mis sur les côtes de ton patron, mets-toi du bon côté petit, fais pas le con. On pourra te faire visiter les Balkans, mais ça se passe en dessous de ton balcon. Merde, on prend de l'ampleur, j'ai pas le temps, faut faire de la monnaie. Peut-être que t'as un grand cœur, mais je le vois pas tes silicones. Sicario sur la compète, tenue complète. Combien est-ce que j'ai mis de côté? Vas-y, fais ton enquête. Ah ouais, plaque, cellophane. Ah ouais, si je te fais c'est pour la famille. Ah ouais, le mal nous a fait tourner. Ah ouais, dis-moi si t'es encore mon ami. Shit, plaque, cellophane. Ah ouais, si je te fais c'est pour la famille. Ah ouais, le mal nous a fait tourner. Ah ouais. J'en parle serein, et jamais au second degré. Dans les veines on n'avait pas de seringue. Pas de ceux qui blâment la chose, qui la font par derrière. Regarde-toi avant de parler sur elle. Et t'as fait du bif, c'est pas un secours. Quand la mort arrive, non c'est pas un secours. Même avec un milliard, t'achètes pas une seconde. Même pas une seconde, même pas une seconde. Je représente comme thème, mes amis c'est mon mektoub. J'suis pas seul, je me permets de me présenter comme tel. Yemin, fils de Mahjoub, fils de Mansour, fils de Ahmed. J'aurais posé d'autres thèmes si j'avais connu une autre life. Connard, t'as vu j'ai les poulets sans mes côtes. Côtelette, côtelette. La fierté à ZZ, finir ma carrière sur un coup de tête, putain. Merde, on prend de l'ampleur, j'ai pas le temps, faut faire de la monnaie. Peut-être que t'as un grand cœur, mais je le vois pas tes silicones. Sicario sur la compète, tenue complète. Combien est-ce que j'ai mis de côté? Vas-y, fais ton enquête. Ah ouais, plaque, cellophane. Ah ouais, si je te